Portofino, si vous aimez la vie facile, je connais loin du bruit des villes un petit port calme et tranquille qu'on appelle Portofino. Quand on est là-bas, c'est étrange, on a l'impression que tout change. Les démons deviennent des anges, tout s'arrange à Portofino. À Portofino, tout est permis, c'est un avant-goût du paradis. Il suffit d'un mot, d'un rien, et l'amour vous tient à sa merci. À Portofino, le droit d'entrer se compte en sourire et en baiser. Le dépit, l'envie, la jalousie ne sont pas connus ici. Si l'on veut en croire la légende, tous les bons vieux pêcheurs prétendent que les amoureux qui s'y rendent dans l'année se marient bientôt. Cependant, les célibataires peuvent y aller en croisière, car les plus belles filles de la terre les attendent à Portofino. À Portofino, en moins d'une heure, qu'on le veuille ou non, on perd son cœur, il y a tant d'occasions qu'au bout d'un moment, on ne peut plus dire non. À Portofino, on sent flotter un je ne sais quoi dans l'air léger qui vient vous griser comme un plaisir éveillant tout un désir. Il paraît, c'est là le mystère, que le ciel a voulu naguère isoler ce coin de la terre en le protégeant des méchants. Et là-bas, les seules vraies richesses sont la vie, la joie, la jeunesse. C'est pourquoi on ne s'intéresse qu'à l'amour et pas à l'argent. Quelquefois crevant le silence, dans mon cœur mes souvenirs dansent et je crois revoir mes vacances à Portofino. À ce jour-là, fuyant les mirages, j'ai envie de faire mes bagages pour revoir la fille bien sage qui m'attend à Portofino. Va mon cœur à Portofino, va mon cœur à Portofino. Portofino, Portofino, Portofino.